voz das almas dos crentes que rezam por nós. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bonjour à vous toutes, il est midi 50. Bien, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 avec les musiques non-stop et puis juste après, à partir de 13h30 jusqu'à 16h, l'accordéon de retour. Rider step inside, take a seat where chrome and rhythm meets me. Déjà un petit merci avec Jérôme pour l'émission entre 10h jusqu'à 12h30 et puis que vous allez retrouver dimanche prochain. Every smile, every mile, you can taste that rider style at the rider's bar. Oh, what a scene. Milkshake shining. The room. Silver plates, a coffee pour, laughing voices through the door. Every note and every bite feels like home on Friday night. From dusk till dawn, the moon is on. That's Rider's, Rider's style. At the Rider's bar. Je vous laisse avec le Soul Pop et puis juste après nous allons faire un petit tour avec le Zouk. skips a beat. Every time she smiles, a jukebox skips a beat. Et donc un petit coucou à maman qui aime beaucoup le soul. Voici donc. What do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me. I am patiently waiting. Je passe pour que le pas j'ai oublié. frissons. Aux sensations pour nous fondant. Soyez une secoue pas assez. Mais du coup l'été, oh l'été. Doudou l'été, oh non l'été. Doudou l'été, vous et puis moi. L'été, doudou l'été. Affillons chimère. L'été, doudou l'été. Garçon qui frisson, on s'arrête pour un bon fou. Soit une fois pour pas assez. Tout a été en un an, en un Yes.

tout l'or du monde. Toi, si je t'avais pas, tout n'aurait pas ce goût. Tout n'aurait pas ce goût-là. La la la la. Tout n'aurait pas ce goût. Tout n'aurait pas ce goût-là. La la la la. Tout n'aurait pas ce goût. Dans ta team de poupées fragiles qui veulent jouer les Kyra. Ah ouais. Différent de ce que tu vois. Différent de ce que tu vois. Mais qu'est-ce que tu pensais avoir de moi? Tu pensais avoir de moi. On ne joue pas avec les autres et leur façon de faire sur Insta. On ne joue pas sur le même côté. Pas ta poupée de poche. Dans mon monde, dans mon monde, dans mon monde d'ailleurs. Dans les codes, je lis ta visive. Ouais. Make-up de cagole, faire la grosse et folle, ça c'est trop beau pour moi. Mmh. Je suis pas dans le thème de ta soirée, pas dans ta team, pas ta baille. Pas ton équipe, t'as pas capté. Bah ouais, ouais, ouais, pas ta baille. Tu sais, ne t'inquiète pas. Je fais pas ces choses là. Je fais pas partie de cette team là. Je suis dans mon mood, je calcule pas, reste calme, gaspille pas ta salive. Quoi qu'il arrive, je reste moi, toi c'est toi. Je fais mon son, tu t'inspires de la queen. Tu fais mon signe. Je suis un flic, par de là. Je suis un flic, par de là. Je suis un flic, par de là. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et puis je vous laisse avec le tout nouveau cycle de Elsa et Smooth, et puis on se retrouve juste après. Comment tu te dessines un battement sous ma peau fine. Chaque soir je te parle tout bas. Je ne te vois pas mais je te sens déjà. Chaque jour tu grandis en moi. Et chaque nuit j'imagine ta voix. Tu seras bientôt près de moi. Ma vie recommence avec toi. Tu deviens ma raison d'amour. Je compte les jours, bientôt tu seras. Des saisons claires, des chansons pleines de lumière. Je te sens bouger, t'es déjà si parfait. Un rêve qui pousse au creux de mes secrets. Mon cœur ne bat déjà rien que pour toi. Je serai la force, la tendresse à la fois. Tu seras bientôt près de moi. Ma vie recommence avec toi. Tu deviens ma raison. Je compte les jours, bientôt tu seras là. Je sens mon monde changer de couleur. Les heures regard plein de douceur, tes premiers gestes, une danse en silence, tes petits coups de pied, une évidence. Bientôt, mon fils, tu ouvriras les yeux et le monde deviendra si précieux. Ton papa et moi, on sera là avec toi et on te rendra le plus heureux. Bientôt tu seras là. Bientôt tu seras là. Bientôt tu seras là. De la festa tropicale. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. 13h30 passé, voici le retour de l'émission comme tous les dimanches en début d'après-midi avec bien sûr l'accordéon. Comme tout à l'heure, eh bien, je vous dis un petit merci à Jérôme avec l'émission de 10h jusqu'à 12h30 et vous allez le retrouver la semaine prochaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec, comme j'ai dit au début, avec de l'accordéon pour vous faire plaisir avec le tango, la marche, et puis aussi la java, et puis d'autres comme la guinguette, tout cela, puis d'autres différentes. Sans plus tarder, eh bien, je vous laisse avec du côté de l'accordéon. Et on va débuter avec la valse. Et après, ce sera le tango.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Eh bien, le Charleston et le Paso Doble. Quel changement, pourquoi bouder sans cesse? Ce ne sont plus les amours d'autrefois. Tu me rends des caresses sur caresses. Et maintenant, tu me laisses aux abois. Tu ne dis plus ce joli mot je t'aime que si souvent, chérie, tu me disais. Oh, réponds-moi, réponds-moi si tu m'aimes. Oh, réponds-moi, dis-moi que t'ai-je fait. Oh, réponds-moi, réponds-moi si tu m'aimes. Oh, réponds-moi, dis-moi que t'ai-je fait. Tu ne sors plus le soir en promenade, prendre le frais assis sur le gazon. Tu fais semblant d'être toujours malade. Dis-moi pourquoi baisser à la maison. Tu ne mets plus le soin dans tes toilettes. Et tu n'as plus cet air si gracieux. Quand tu me vois, tu me tournes la tête. En même temps que tes jolis yeux bleus. Quand tu me vois, tu me tournes la tête. En même temps que tes jolis yeux bleus. N'aurais-tu pas certaines maladies qui réunissent des amants si souvent? Trop bien connu le mot de jalousie. Rappelle-toi d'être à tous tes serments. Ne vois-tu pas mon front se décolorer? Un doux baiser me ramène vers toi. Je l'ai juré et je le jure encore. Car t'es mon Dieu, je n'aimerai que toi. Je l'ai juré et je le jure encore. Car t'es mon Dieu, je n'aimerai que toi. Car t'es mon Dieu, je n'aimerai que toi. Car t'es mon Dieu, je n'aimerai que toi. Car t'es mon Dieu, je n'aimerai que toi. reviendrai vers toi, berceau de mes premières amours. Adieu à tes montagnes, je garderai le souvenir et reverrai toujours tes séguédilles, tes joyeux boléros et tes mantilles, tes brillants toreros. Adieu, terre d'Espagne, je fais serment de rester ton plus fidèle amant. Allez! Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Pu débuter l'émission avec le tango et la valse, eh bien, en voici un autre avec un morceau de tango suivi de la valse. oiseaux qui chantaient. Mais tout ça, le temps a passé, il ne reste plus que nos souvenirs. Quand j'y pense, mon cœur est brisé, tout ici-bas, comme ça doit finir. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Avec le Fox et juste après la Java. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà donc, eh bien, bientôt 16h, eh bien, déjà la fin de l'émission. Mais on va continuer toujours avec l'accordéon. Mais avant de continuer l'accordéon, voici les émissions pour demain lundi. Eh bien, vous allez retrouver le matin entre 9h jusqu'à midi avec la musique portugaise avec Annabelle. Et puis après l'après-midi à 14h jusqu'à 16h, eh bien, vous allez retrouver Chopop. Et en fin de soirée entre 19h et 21h avec Manu on the rock, et puis après ce sera avec le rédac du soir avec Rémi entre 21h et 23h. Et puis pour le mardi matin avec Lionel entre 9h jusqu'à midi. On continue avec pour se reposer un petit peu, parce que avec tous les morceaux d'accordéon, avec la marche, la valse, le passo, le polka et puis d'autres. Et bien voici donc, je vous laisse avec pour se reposer un peu avec le slow. Donc c'est sur cette musique qu'on va se quitter, qu'on va se rendre rendez-vous dimanche prochain à partir de 12h30. Et puis ainsi on se retrouve mardi à partir de 13h30 jusqu'à 17h. Donc eh bien voilà, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. On a bien dansé tous en rond sur le pont d'Avignon. Oui, mais tout près de l'Atlantique, il est un pays magnifique. La Venise verte, on l'appelle, au cœur du marais poitevin. Si vous saviez comme elle est belle, dans le silence du matin. Les gens là-bas ne sont pas chiches, et le climat est plus doux. Venez, venez, pauvres ou riches, car c'est le joyau du Poitou. Si vous partez en promenade sur une barque au fil de l'eau, vous ferez de jolies balades, de Coulon jusqu'au pont d'Irleau. Vous arrêtant dans les guinguettes du côté de la garette, bientôt votre cœur sera pris en revenant par la sauterie. La Venise verte, on l'appelle, au cœur du marais poitevin. Si vous saviez comme elle est belle, dans le silence du matin. Les gens là-bas ne sont pas chiches, et le climat est plus doux. Venez, venez, pauvres ou riches, car c'est le joyau du Poitou. Mais s'il me faut parler d'amour, dans le pays de mes aïeux, avant que ne vienne le jour où j'aimerais fermer les yeux. Venise verte, au nom si tendre, comme on aime l'entendre, tu resteras, c'est mon désir, parmi mes plus beaux souvenirs. La Venise verte, on l'appelle, au cœur du marais poitevin. Si vous saviez comme elle est belle, dans le silence du matin. Les gens là-bas ne sont pas chiches, et le climat est plus doux. Venez, venez, pauvres ou riches, car c'est le joyau du Poitou. Quand vous vendez à terre natale, passando pelo bairro onde nasci, no mundo não tem igual. A lareira no quintal de minha mãe, ali está desde que eu parti. Voei pelo mundo fora, mas não esqueço quem deixei para trás. Podem passar 20 anos, mas para mim vai ser sempre igual. Brilho do céu sobre o mar, vem da terra que é Portugal. Quero voltar para casa. Quero dizer à minha mãe. Boa tarde, são 3 horas em Portugal Continental e na Madeira, 2 horas nos Açores. Em destaque nesta edição. A Comissão Nacional de Eleições.